um passo em direção à eternidade, conduzindo o som. Vamos nessa viagem, pra isso sabedoria, amor, humildade. Um passo em direção à eternidade, conduzindo o som. Vamos nessa viagem, pra isso sabedoria, amor, humildade. Les années passent et rien n'entame l'envie qu'on a tapé du gros son. Elle m'a toujours rappelé, envoyé des signes pour que je ne l'oublie pas. Quand je veux m'en éloigner, une vie sans rime ne me suffit pas. Passionné par la mélodie et ce que les mots disent, elle m'a guidé vers la clarté, elle m'a écarté des idées trop grises. L'eau a coulé sous les ponts, mais m'a pas emporté. Le temps m'a donné raison, j'écris sur la rive, l'esprit réconforté. En harmonie avec le ciel et ses sonorités, quand le vent souffle, quand l'orage tombe, j'entends la musicalité. Se perdurasse, já tinha pendurado minhas chuteiras. Perdi da duração, mas não fiz dessa maneira. Entrei em campo com um time de primeira divisão, tanto pelo caráter como a vontade de manter o coração da minha torcida aquecido na mesma fé. Na jogada na Epzine Dine com a bola no pé. Só cola quem é, quem não é, nem vento faz. Jesse a sagaz, um sinal de que ainda virá mais. Les mots passent, permute, et la niaque reste intact. Nouvel acte, suite et lutte, la vie c'est la science exacte. Autodidacte, affûté, je place des syllabes en cascade. Bien décidé à tracer, artistique cavalcade. Furtif, dans le paysage, fugitif, je ne suis que de passage. Je fonce vers l'éclaircie et laisse sur place l'indécis. Un pas de plus par ici, vers l'infini, je continue avec la même énergie. Um passo em direção à eternidade, conduzindo o som. Vamos nessa viagem, pra isso sabedoria, amor, humildade. Vers l'infini, on continue avec la passion. Um passo em direção à eternidade, conduzindo o som. Vamos nessa viagem, pra isso sabedoria, amor, humildade. Les années passent et rien n'entame l'envie qu'on a tapé du gros son. Maintenant on sait ce qu'on aime, qu'on nous serve. On a nos vieilles recettes, nos pincées de sel bouleversent l'essentiel. Le mélomane perçoit l'odeur du son de guitare. Le sample se lit via les contentions du visage. Centrifuge et dans une courbe de sonorité, là tu sens le virage. C'est dans cette France que l'on crée, c'est le respect dû à la tâche. Chronique de vie sur bloc entier, donc déjà loin d'être à la page. Pendant que les escrocs attendent du matos qui pousse le talent tout seul, on connecte avec la crème DM, si t'es la cidade. A gente acredita na força da clave, no peso do grave que nos conduz e alivia. No campo a meditação, um texto a recordação, é o que nos faz firmar. Quem viveu verá, um salve ligou, estamos de volta. Cinco giros no sol, surfando em ondas sonoras. Avante, mocado, mantendo sempre o estilo zen. Três pilares, Nouvelair, Monami, da Janem. É o assobio que arrepia a alma, dá vazão ao espírito. Quebra o clima sinistro, deixando o ar soberano. Inspira, para, levita, possibilita. A cada canto encanta. Afinidade, afinação, provoca som de qualidade de SP até Angê. Independente da cidade, só acionar, ligar um salve, dar um grito, uma mensagem. Pelo poder da música, fazer um teletransporte. Passo em direção à eternidade, conduzindo o som. Vamos nessa viagem, pra isso sabedoria, amor, humildade. Vers l'infini, on continue avec la passion. Um passo em direção à eternidade, conduzindo o som. Vamos nessa viagem, pra isso sabedoria, amor, humildade. Les années passent et rien n'entame l'envie qu'on a tapé du gros son.